Mais en fait, 3615 My Life, je sais pas du tout ce que ce sera. Ça peut pas être 3615 My Life complètement. Parce que je suis pas trop du genre à écrire des blogs ou avoir décidé de lancer un podcast uniquement pour raconter ma vie. Mais j'ai l'impression que... Et d'ailleurs, j'ai l'impression que je suis pas le seul à vouloir retrouver en ce moment un petit espace, pas un grand truc, tu vois, mais un petit podcast ou blog. Il y a peut-être des gens qui vont vers le blog, du coup, retourner vers le blog, après j'ai envie de dire, parce que c'est saut 2000. Mais on a tous créé des podcasts à des fins différentes, et puis je pense qu'il n'y en a pas tant que ça qui voulaient raconter leur life. Ils voulaient souvent parler d'un sujet qui leur tenait à cœur. Bon, moi, c'est des textes littéraires ou philosophiques ou des œuvres, etc. Mais il y a comme une espèce de mouvement, pas naturel, hein, mais de recherche de qualité, d'être un petit peu plus connu. Bon, réclamer des copecs, ça, certains le font, moi je l'ai fait, mais on réclame pas vraiment, enfin... On aimait la possibilité d'eux, parce qu'on se dit toujours, si on peut gratter à gauche à droite, bah autant le faire. Mais disons qu'on n'a pas forcément envie de transformer notre émission. Justement, moi, le podcast que j'ai créé, je voulais pas en faire une émission, donc je voulais surtout pas que ça ressemble à... Parce que je suis pas journaliste, et je voulais pas que ça ressemble à un produit, un truc marketé, grand public. Je voulais faire ce que je m'affirmais dedans, affirmer une parole qui m'est propre, avec ses qualités, mais aussi largement ses défauts très nombreux. Mais même en faisant attention à pas, on va dire, corrompre son projet initial, c'est-à-dire à être finalement focus, à se trahir et à tricher avec les auditeurs, même sans ça, on finit par vouloir... Enfin, moi, en tout cas, j'ai voulu pas arrondir les angles, hein, mais proposer quelque chose de beau à écouter. Donc arrêter de parler finalement devant le micro en disant « bonjour, c'est moi ». En fait, je voulais me perdre, je voulais m'effacer plutôt dans le podcast. Alors du coup, bah, il n'y a plus d'espace vraiment de parole. Mais en même temps, comme j'ai envie de finir cette forme-là de podcast, et en faire uniquement, si vous suivez l'autre podcast, en faire un cycle participatif, je me dis pourquoi pas, finalement, j'ai envie de dire humblement, simplement, créer un truc comme Draven a fait avec Artefact. Un truc où on parle de tout et de rien, quoi, et puis sans trop de montage, parfois en marchant, parfois comme maintenant avec le café La Clope au Bec devant son écran à parler tout seul. Et d'ailleurs, par rapport à ce que j'ai écouté dans l'émission de Kikrin, Karine, une fille, un podcast, le dernier épisode, là, le hors-série 6, qui traite du sujet finalement, c'est vrai que moi, si je me suis mis à écouter des podcasts, c'était pour la liberté de parole. Trouver des podcasts, tout simplement, hein, des émissions, on peut appeler ça comme on veut, que je sais ne pas pouvoir trouver dans les médias officiels, à la radio. J'écoute pas la radio, je regarde pas la télé, donc j'ai pas envie d'écouter un truc qui ressemble trop à ce qu'on peut trouver sur France Culture, par exemple. Il y a des émissions forcément très bien sur France Culture, mais moi, quand je veux me cultiver ou m'intéresser à un sujet bien précis, je me tourne pas vers les médias, en fait. Je me tourne pas vers les journalistes. J'ai jamais eu ce réflexe, peut-être parce que c'est aussi mon environnement familial, mes études, etc. Si demain je veux m'intéresser, par exemple, à un truc sur la physique quantique ou je sais pas quoi, bon, je vais forcément, hein, je suis un gars de ma génération, je vais ouvrir Wikipédia, hein, mais je vais surtout me trouver un ou deux bouquins qui semblent faire référence sur le sujet, et ça sera pas forcément écrit par des... ça sera même certainement pas écrit par un journaliste, ça sera certainement pas de la vulgarisation. Je préfère accepter de ne rien comprendre et me taper, je sais pas, des articles. Je faisais ça, moi, quand j'étais étudiant, j'allais lire des articles scientifiques, parfois auxquels je comprenais rien dans la revue Nature, mais parfois, justement, on comprend. Puis j'ai des amis scientifiques qui publient, en plus en anglais, donc c'est pas forcément facile. Mais au moins, je sais pas, je m'imprègne. J'ai lu comme ça des bouts d'articles, ou des articles entiers d'une copine qui avait fait sa thèse sur les enzymes, le rôle des enzymes zygomatiques ou je sais pas quoi. Enfin, c'était, je me rappelle même plus du titre. C'était balèze, mais au moins je m'imprègne de quelque chose, parce que si je lis un article de vulgarisation sur la chimie, sur le même sujet, en fait, je vais croire que je sais quelque chose, mais ça m'a pas vraiment m'imprégner, je vais pas m'en souvenir, je vais trouver ça pas si intéressant, parce qu'en fait on nous cache souvent les enjeux. Les enjeux, c'est alors je vais pas parler comme à la télé, mais c'est un peu les experts, c'est ceux qui sont dedans en tout cas. Ils sont pas forcément. Enfin, si c'est un scientifique, une chimiste par exemple, bah oui, c'est une experte. Mais moi je lis pas en tant que c'est une experte, mais je le lis en tant que je me dis que c'est quelqu'un qui recherche quelque chose là-dedans, qui sait de quoi il parle. En fait, il y a un sujet dont je voudrais parler, mais je suis pas très sûr du sujet. C'est... Puis là, c'est 3615 My Life, mais ça devrait... Enfin, faudrait espérer, en tout cas, dépasser ce témoignage de soi. Hein, mais... C'est le côté... Je sais pas quel âge vous avez, mais moi, je trouve qu'à l'approche de la quarantaine... Alors, mes amis me disent que je les fais pas, qu'il y a encore quelques années, etc. Mais bon, 38, c'est presque 40. Hein. C'est une certaine lassitude ou attente. Je pense que c'est lié à beaucoup, beaucoup de choses, hein, de considérations. C'est-à-dire, dans le lot, on peut citer, mine de rien, un certain athéisme qui vire au nihilisme. C'est-à-dire pas avoir d'espérance, quoi. En gros, je crois pas à la vie après la mort. Donc je me dis que ce qu'on doit réaliser, ce qui doit être vécu, doit être vécu maintenant, quoi. Et en même temps, la manière dont on semble de pouvoir s'affirmer aujourd'hui, on dirait qu'on est toujours pris dans des schémas de la société de consommation. Que si on crée pas des produits, si on market pas un peu ses idées, la manière de s'affirmer, même dans l'art aujourd'hui, hein, parce que l'art maintenant, l'édition c'est un peu corrompu par ça depuis longtemps, hein, depuis fin des années 80 au moins. La peinture, bon, je suis pas peintre, musicien, je pense que la musique il y a un côté, ouais, tu me diras, les gens qui sont des vrais musiciens, peut-être qu'ils hurlent en écoutant la radio, je sais pas, mais bon, je suis pas un vrai musicien. Je suis pas musicien, je veux dire. Je gratouille, quoi. Et puis au cinéma, je sais pas, on se dit, y a des blockbusters, bon, puis de toute façon, je sais pas tenir une caméra. Il me reste la photographie quelque part dans un coin. Parce que l'écriture, j'en suis venu à une idée presque. J'étais publié en fait une fois, il y a plus de 10 ans maintenant, et bon, il y a des tas de choses, hein, on pourrait se dire, mais un vrai, il va continuer, il va persévérer, mais en fait, j'ai l'impression que. Depuis un an, en tout cas, je n'ai plus du tout la volonté de le faire, quoi. Et du coup, je me demande, mais quelle volonté me reste encore, tu vois. Alors, je ne suis pas suicidaire, hein, n'inquiétez pas. Un côté, en ce moment, pile, batterie à plat, moralement, ou je sais pas comment dire. C'est pas vraiment au niveau de l'énergie, parce que j'ai refait au contraire plein de sports, etc., pour essayer de m'en sortir, parce que sinon, ça faisait des années que je bougeais plus mon cul. Perdre du poids, retrouver un petit peu la patate, être capable de courir à 10 km sans être complètement essoufflé, c'est toujours un bon objectif, quand on approche de la quarantaine. J'ai cité... l'athéisme virant en nihilisme, je pense que les déceptions amoureuses jouent, hein, dans une vie, en fait, plus qu'on croit, en tout cas quand on est assez sensible. Le côté plus il y a de relations finalement, et plus il y a de ruptures, plus tu te dis, l'amour, c'est vraiment juste justement un phénomène chimique, quoi, tu vois. Après, je pense que il se cache toujours derrière ça, et justement une espèce d'espoir et d'attente, et c'est ça qui est pas bon, en fait. Faudrait reprendre le pas sur cette passivité, mais du coup faut avoir une volonté de faire quelque chose. Alors ça s'est traduit dans le podcast un petit peu comme une espèce de maintien timide pour pas virer dans le vide, quoi, enfin dans l'absence de création, de production. Parce que sinon, quand tu joues de la guitare chez toi tout seul, ou quand tu écris des romans et des poèmes que personne ne lit, à part deux ou trois potes, tu sais pas trop ce que... Voilà. Après, bien sûr, vie amoureuse, vie intellectuelle, spirituelle, ce que tu veux, puis vie professionnelle. Et là, je dois vous avouer que j'ai jamais eu d'ambition professionnelle. Alors, ça te coupe de pas mal de gens, hein, parce que... Il y a des gens pour qui l'absence d'ambition professionnelle, ça veut dire que t'es un peu un raté, quoi, t'es un peu une merde. Surtout quand tu vis à Paris et que la vie coûte cher, donc je sais pas, t'es limite un pauvre en fait. Et en plus, je casse ça là, mais comme je vais naturellement. Alors, ça, c'est. Peut-être ma vie antérieure, hein. Je vais naturellement vers des Chinois parce que je suis fasciné par la Chine depuis longtemps et dans la mentalité chinoise contemporaine, quoi, d'aujourd'hui, l'ambition professionnelle, c'est un truc important, quoi. Un mec un peu sentimental, émotif, qui écrit, mais qui sait pas trop ce qu'il veut dans la vie, qui s'affirme pas assez, c'est un peu un loser, quoi. Je me suis pris cette semaine là un bon truc dans la poire, mais c'était de ma faute, hein. Faut reconnaître, c'est tard. Je suis un peu barjot et très maladroit, et c'est vrai, encore un petit peu. Enfin, on se refait pas, hein. J'étais comme ça quand j'étais gamin, j'étais assez sensible, ça vire un peu la susceptibilité, pas vraiment impulsif, mais quand j'étais gamin, tu vois, par exemple, quand j'étais gamin, mais vraiment gamin, genre 4-5 ans, j'avais une bonne tête de bébé, je crois, assez mignonne, tu vois, j'étais très blond, petits yeux bleus, clairs et tout, mais j'étais déjà un gros psychopathe. Quand on me regardait ou quand on me donnait trop d'attention, j'aimais pas ça du tout. J'ai donné un coup de pied à ma grand-mère quand j'étais gamin, parce qu'elle voulait me prendre dans ses bras. Quand j'étais dans le métro, dans le train, quelque part, et puis qu'on me regardait avec un grand sourire du genre « il est beau le petit », ben je faisais une vieille grimace, genre je tirais la langue et je détournais le regard, genre d'un air vraiment méchant. La teigne, quoi. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est 36-15 ma life, hein. Ça veut dire que vous serez 3 ou 4 à écouter. Et que c'est bien comme ça. Hein. Mais puis ça ouvre, c'est fidèle à ma manière de m'exprimer, hein, même dans comment passant. C'est-à-dire que c'est un peu le bordel, quoi, tu vois. Ça passe du coq à l'âne, j'ouvre des parenthèses et je les referme pas. Bon, j'ai envie de dire, on se refait pas. Hein. Je pourrais suivre une formation avec un coach, mais c'est pas trop mon truc. D'ailleurs, je pense que 36-15 ma life parlera beaucoup de bien d'enfance, mais pas au sens nostalgie, innocence perdue et tout ça, mais c'est l'enfance, c'est un truc assez fascinant dans la mesure où on sait qu'on a grandi et qu'on peut en parler aujourd'hui à 30 ans. Et un autre truc aussi, vous voyez, je passe du coup vraiment, je saute comme ça, je fais des bonds de Capri, je me dis toujours qu'à une certaine époque ou dans certains pays, t'atteignais pas 37-38 ans, quoi. Tu vois, quand tu lis les romans, même français du 19e siècle, un mec à 37 ans, 38 ans, c'est un vieux, quoi, et sa vie, elle est un peu derrière lui. Puis avant, il y a eu beaucoup de périodes dans la vie où à 38 ans, je sais pas, t'avais déjà fait la guerre, t'étais mort, t'étais marié, t'avais déjà des enfants qui étaient grands. Enfin, tu vois, t'avais le côté réalisation de la vie, quoi. T'avais déjà réalisé ce qu'il fallait réaliser, puis il te restait plus que des jours à passer, quoi. D'ailleurs, je parle un petit peu de déception comme ça, ou de manque de courage, ou d'affirmation de volonté, mais en fait, quand j'étais adolescent, enfin, toute mon enfance jusqu'à mes études, en fait, j'étais au contraire ambitieux, mais intellectuellement. Je voulais pas faire carrière, ça, le monde de l'entreprise, de la carrière, de la finance, ce genre de choses, ça m'a toujours rebuté. Puis je m'y intéressais pas, mais alors pas du tout, je croyais que c'était pas essentiel. Je croyais que moi j'avais, je sais pas, à l'école républicaine, école publique, on pousse pas les enfants, heureusement, je pense, vers ça. Et moi, du coup, ce qui me fascinait plus, c'était l'histoire, les lettres, et puis d'entendre parler de la philosophie, je trouvais ça génial de me dire, tiens, on enseigne ça, je vais pouvoir apprendre ça, ça me fascine. Mais en fait, c'est un peu, pas un coup fourré, mais c'est quasi hypocrite, puisque une fois qu'on a fini ses études, toute la société, une fois qu'on a fermé la porte de l'enfance, on va dire, ou qu'on ouvre la porte de l'âge adulte, de la vie active, bah je me demande où c'est passé, quoi, tout ce qu'on nous a appris, et tout implicitement ce qu'on nous essaie de nous apprendre, je pense. Et ça, c'est continué à l'université, puisque à l'université, t'apprends pas un métier. Et c'est normal, si tu fais pas de la philosophie pour trouver un poste de philosophe dans une entreprise du CAC 40. Et heureusement. Donc on peut dire, ah oui, les débouchés, tout ça, mais quel monde, quoi, si on pense les choses comme ça, quoi. Mais quel débouché il va y avoir? C'est un monde de flippés, en fait, on veut vraiment être des esclaves. Enfin, bref. Non, mais je vous trouverai des anecdotes aussi un peu amusantes, mais qui révèlent des trucs, en fait, parce que j'espère en tout cas que ça sera que des petites anecdotes personnelles peuvent ouvrir sur des trucs plus larges, des fois, quoi. C'est pas important, c'est pas la petite affaire privée, il m'est arrivé ceci, c'est plutôt ce que ça dit au moins de la société, hein. Ce sera pas de la philo, hein, ça, y a aucune prétention philosophique dans ce podcast, mais je pense que ça va être quand même pas mal les chroniques, les déboires d'un type qui se pensait royal, quoi. Parce que quand j'étais embarqué dans la philo à l'université, j'étais persuadé de pouvoir un jour guider les peuples, quoi. Tu vois, d'être un nouveau Rousseau ou quelqu'un qui a de l'importance philosophiquement, en fait. Tu vois, et j'étais persuadé que c'était bien pour changer la société, quoi, changer le monde, parce que je me disais, mais le monde va super mal, ça part grave en couille, et ça ne va faire qu'empirer, donc grâce à la philo, moi, une tête bien, bien foutue, qui pense bien, qui m'intéresse pas à l'argent, ou bien matériel, à part la PlayStation, bon, je vais pouvoir changer les choses, quoi. Il y a des gens forcément qui vont m'écouter. Et quand je disais ainsi par Zarathoustra de Nietzsche, si vous avez jamais lu, vous pouvez, hein, au moins pour cet aspect-là, parce que t'as Zarathoustra, quoi. C'est une espèce de prophète, quoi, finalement. Et ça me fascinait, quoi. Bon, il y a plein de trucs à raconter, hein. Donc, pour l'instant, bon, pour un premier jet, je vais pas vous retenir plus longtemps. Merci de m'avoir écouté. Je vais pas dire que ce sera pire la prochaine fois, ou mieux la prochaine fois. Peut-être que je pourrais finir comme ça, hein, finalement, en miroir. Je pourrais dire, vous inquiétez pas, ce sera pire la prochaine fois. Allez, bonne journée.